savoir quand tu feras l'amour. Quand tu joueras jusqu'au lever du jour. Quand cet abruti te baisera comme un sourd. Pour savoir quand tu feras l'amour. Savoir quand tu feras l'amour. Moi qui me brûle en pensant tes contours. Dieu m'a condamné à la peine d'amour. Pense à moi quand tu feras l'amour. Moi je veux te faire l'amour. Pense à moi, je veux te faire l'amour.